C'est le spécialiste. Ça y est, je me lance, j'assassine puisque l'arrêt est proche. Avec le bitch, j'écorche, j'ai trop vite, j'déborde. Connard, vite, décroche, faut que tu vides tes poches. Et tu cries, j'écorche, et tu cries, j'écorche. T'es meurtri, j'décroche, j'ai ventré, j'dorose. T'as menti, j'te boxe, apprenti, j'suis le boss. Fais bien tes proches, appelle tes los. On va faire un putain nettoyage. Braquage, prise d'otage, les MC font la pute à l'étalage. J'suis un tueur à gage, zéro le rip killer. Au crime sérieux, mon type brime, périlleux, chasseur de prime thriller. On fait un massacre, encore pire qu'à la tronçonneuse. J'ramène des scalpes, ça balave, joue voir ta tronchonceuse. On te reconnaîtra pas à l'autopsie. Si bloc que si tu gémis, apprécie, on te finit à l'acide jusqu'au coccyx. Et en toxide, un son toxique, j'empoisonne les masses. On tire aux famas, la norme c'est juste les douilles que tu ramasses. L'exécution est sans appel, comme une sentence au tribunal. Nos tribus trucident mal, c'est du génocide industriel. C'est les spécialistes en mission. On est venu foutre le feu aux poutres avec des stylos stéro aussi pour frapper comme la foudre. Tueur en série en action. Ennemi public numéro 1, rumeur killer, devine killer, donnez coup de sur un. Spécialiste, chef de section, radical agression, lyrique à l'injection, ma fonction c'est la sanction. Un mic à ma portée, j'assassine à bout portant. Attention, les âmes sensibles, j'ai heurté, impossible me faire taire. J'ose faire play, mais sans perdre mes repères. Alerter mes repères, c'est la sacoche d'un cerbère libertaire. En gardant des idées tranchantes, donne-moi un beat fat, un mic en main que je te braque, parce que ça m'enchante. Je fréquente en masse les tueurs en série. Au sampleur à Syrie, y'a trop de pompeurs à Syrie. Allez à Syrie, un son rare qui reste authentique à son rang. J'ai la rime assurant, l'inertie, le flow à scalper. Pour les scalper, viens palper. Le pool, mes victimes, spécialiste ma dream team. Vitaille, sinon c'est le chaos, avec trop de sorties de ring. J'ai vite failli faute, on entaille ta cote. On dive grand écoute, en l'assirant ce son crailler route. C'est les spécialistes en mission. On est venu foutre le feu aux poutres avec des stylos stéro aussi pour frapper comme la foudre. Tueur en série en action. Ennemi public numéro 1, rumeur killer, devine killer, donnez coup de sur un. C'est les spécialistes. C'est les spécialistes. On est plus foutre le feu en poudre, à base de dynamite. Et l'ami gravite jamais t'abrite. Et connard t'arrêche ta grippe pour que ça pète qu'on entende. Jusqu'à Washington, un vieux rusé dans le rap. Tu peux m'appeler Papy Borington. Ils font péter les Boeing, on veut faire des gros hits. Les gros vite passer à la télé avec nos faces de négroïdes. Des proplices, à son prostion fait des grosses prises. Même les boss crises, non mes gars c'est grosse bise. On a la rage sans borne, le vécu sur nos pages. Survivant du naufrage, vu notre âge. On a la ruse, l'ennemi s'endorme. Mec j't'informe de la firme, y'a que du son fat. Et pas de frime, on prend un. Et après on se tape, on va pas faire nos stars. C'est pas un monastère, pourtant à serre on serre. Au box office on mérite 15 Oscars. Tout ça en fait, y'a pas de fumée sans feu sans allumette. Spécialiste c'est le feu au poudre et puis on t'allume. Spécialiste en mission. On est venu foutre le feu au poudre avec des stylos stéro aussi pour frapper comme la foudre. Tueur en série en action. Ennemi public numéro 1, rumeur killer, devine killer, donnez coup de sur un. Y'a pas de fumée sans feu, j'en mette le feu au poudre. Sur feuille même s'il faut, j'défonce les barrières, prépare ma défense. Y'a trop de faux à la foule qui veulent me voir dans le fossé. Spécialistes en mission pour que le niveau du rap se rehausse. Nique la censure, faut qu'on s'en sorte. C'est sans se rendre dans le son, incessant de rap. Mais l'accent sur l'endogante. Branche ton poste, tu verras comme j'assure franche. C'est sûr, parce que c'est la rage de mes tripes qui surgit. Tu capes le triple sans J. À chaque mesure où j'avance, j'ai le vice comme ennemi. La force du nom, je suis arrogante. L'arc on rentre dans tes enceintes, politiquement incorrect. Et rien à foutre comme toutes ces lois empruntes. Enfin, j'ai prié, mon chemin en marche. Et je vois la France effrayée. Pendant que moi, j'ai crié, la résistance on vient créer. Je brillais par mon élocution pour un plus brut. Un vil sur mute quand j'fous le feu aux poutres avec des raps trop abrupts. C'est les spécialistes en mission. On est venu foutre le feu aux poutres avec des stylos stéro aussi pour frapper comme la foudre. Tueur en série en action. Ennemi public numéro 1, rumeur killer, devine killer, donnez coup de sur un. C'est les spécialistes en mission. On est venu foutre le feu aux poutres avec des stylos stéro aussi pour frapper comme la foudre. Tueur en série en action. Ennemi public numéro 1, rumeur killer, devine killer, donnez coup de sur un. C'est les spécialistes. C'est les spécialistes.